Voici négro, black, black, sky dans le cappuccino. Criminel, OMIC, si t'es pas de chez nous, c'est Mama Nayo. On se coupe torse nu, j'mouille pas le maillot. J'garde la pêche, elle crache le noyau. Le fric m'a pourri jusqu'au boyau. C'est parole lacrymogène, tu sens moins 7, proxénète, meurtre, casse, drogue, le crimogène. Puis grave du carré rose à bonne dose. Du pisse porno, les cornes au bout du crâne, nos victoires s'arrosent. La plupart des frères tous au chômage. À la société, on crée des dommages. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais rester là, me laisser noyer. Même si des bâtards tirent sur la scène pour me voir aboyer. Pour les novices, le vice s'enseigne à l'école des tournevis. Les meilleurs gravissent les échelons, la maille dans le Lévis. J'avoue, y'a plein de nouveaux venus. ESC au bar Maxon, j't'aurais prévenu. Que le crime paie. Le crime paie, Masta. Seul le crime paie, volé, pis grave, y'a ça de vrai, tu me connais, je suis assez brutal pour de la monnaie. Dois sortir le feu si tu veux pas me payer, si t'entendais. Seul le crime paie, volé, pis grave, y'a ça de vrai, tu me connais, je suis assez brutal pour de la monnaie. Dois sortir le feu si tu veux pas me payer, si t'entendais. Seul le crime paie, si t'as pas de vice, repose en paix. Je suis hors la loi devant elle, je veux pas ramper. T'as fait des grosses caisses merguez avec des méchants manouches. Toucher des cartouches Marlboro, mis à la bouche, on te couche. Faire mouiller les strings, la maille, ça rend Apollon. Dans le bise, les enculés ont chopé le cancer du colon. Pour faire un casse-béli, on pose tous la tête sous le collant. Et hey, yo yo yo, dis-moi fils, paraît que tu roulant. CLS, la cesse et le crack paye dans les comptes du Luxembourg, je vois que les types racailleux deviennent bourgeois. À l'âge des confiseries, ça prend la pilule. Attrape la plus grosse nymphomane du Jackson et fous-la sur le bitume. Chez nous, on n'aime pas les lascars en retard de paiement. C'est comme manger de la smoule et du pondou et qu'il n'y a pas de piment. C'est pas ce putain de compte du lièvre et de la tortue. Dans nos caves, tu vas connaître la fièvre et la torture. Seul le crime paie, volé, pis grave, y'a ça de vrai, tu me connais. Je suis assez brutal pour de la monnaie. Dois sortir le feu si tu veux pas me payer, si t'entendais. Seul le crime paie, volé, pis grave, y'a ça de vrai, tu me connais, je suis assez brutal pour de la monnaie. Dois sortir le feu si tu veux pas me payer, si t'entendais. Seul le crime paie, les dièses et la scoloplie. Je mets pas de chantilly dans mon grec, scratte mes cri-cri que je visère dans la voiture break. Des mandats pour les manostars. Devenir une star du ghetto, peser et rendre les flics des stars, tu sais. Le crime paie comme au loto, vendredi 13 à 13h13 et 13 et moi installé dans le 93. Un négro veut louer ta baraque deux jours après un homicide. User ta baignoire pour bénir un cadavre à l'acide. Si tu m'as boucave, je suis pas enchanté. Au comico, c'est pas en sifflon dans mon boule que je vais mettre à chanter. On va cliquer ta race, on dit ça clairement. Si on offre des fleurs, c'est juste pour les enterrements. Du rap sale comme Lotsen. Mon argent, mon nom de scène, vas-y on signe, après on saigne. Bordel, je suis pas venu ici en mode je t'aime. Tu connais le dicton, si tu kiffes pas, t'écoutes quand même. 2006 remix, c'est pour les têtes brûlées. Seul le crime paie, volé, pis grave, y'a ça de vrai, tu me connais. Je suis assez brutal pour de la monnaie. Dois sortir le feu si tu veux pas payer, si t'entendais. Seul le crime paie, volé, pis grave, y'a ça de vrai, tu me connais. Je suis assez brutal pour de la monnaie. Dois sortir le feu si tu veux pas payer, si t'entendais. Seul le crime paie, tête brûlée. Drive-by ferme. Frère fort. Ou bien, non ?